Southside. Welcome, welcome. The SRL. Même à travers fumée de chicha, j'y vois net. J'y vais pour Niafou, peut arrêter Antoinette. Rendez-nous nos 200 filles, rendez-moi mon loulou. J'suis au téléphone sans fil, zère, beaucoup gros sous loulou. Qui a niqué 5 à y'a bêtement, on clash en hisoulou loul, hisoulou loul. A bout de juger au QG, j'retire qu'à goulou loul. Toute ta carrière, elle est bidon. Tu m'as vu à la télévision, sur ma télévision. Paye-moi tout en amont, fini, momi, tout en camon. Après le show, les plus canons finissent dans le camion. Mon super héros, chacun sous l'eau, c'est pas belle mon dos. Tu suces pour un ouloulou, tu quittes le bendo. On t'a jamais vu, comme la Goa Colombo. Nique ta grand-mère, côté t'en es avec la vie d'un Mutombo. La vie d'un Mutombo. Mutombo, Mutombo. J'faisais de l'oseille comme s'il en pleut. Avant que mes anges ne naissent, si je vois la vie en bleu, c'est comme un trip Los Angeles. Gros QL, slavet, sale négro, elle ça me terre. 13, bonheur ou malheur, car là j'suis sur la canne bière. Étoile du nord comme Alonso, sans terre-terre, sans ballon d'or. J'suis au Pérou, café noir, allez, car tout malongo. Uni pour le sale, que faux négro se blesse. Je parle fort, pour pas que la France dans haut se baisse. Sur la vie de mon genou, j'pars pas sans le recours. Tu vois rien comme un selfie, de la chatte alors manodou. Perdu dans un arrêt, méchante, cuite, je tiens debout. 5 mois, 5 mois, tu isolé de suite.